Chapitre 9e. Ikoteruka, très calme, replaça le maillet sur la table. L'homme qu'il venait d'abattre gisait à ses pieds, inerte. Ikoteruka se pencha sur lui et sentit au battement de son cœur qu'il n'était pas mort. Le grand détective eut la pensée de l'achever. Mais il lui répugnait de tuer un ennemi sans défense. « Je fais une bêtise en le laissant vivre. Enfin, tant pis, » murmura-t-il entre ses dents. Sans perdre un instant, Ikoteruka fouilla rapidement l'inconnu. Mais le gros homme n'avait rien d'intéressant sur lui. Dans ses vêtements, Ikoteruka trouva juste une petite pipe en bois à fourneau de cuivre, un sachet rempli de tabac et une cordelette de soie. Il dédaigna ces objets et entreprit de visiter la cabine, espérant y trouver les lingots d'argent qu'il recherchait. À l'aide de son poignard, il constata que le plancher n'était percé d'aucune trappe. Quant aux meubles de la cabine, un matelas cambodgien, une table et une petite armoire de bois de fer, il ne pouvait receler grand-chose. Ikoteruka examina les cloisons. Il était occupé à ses tâches lorsqu'un léger grincement le fit se retourner. Il vit que la porte de la cabine tournait doucement sur ses gonds. Il se précipita pour la maintenir, mais trop tard, un grand chinois, au visage osseux, apparut. Il vit Ikoteruka et aussi le corps inerte du gros céleste assommé par le détective. Il poussa un cri d'appel et se rua dans la cabine. Ikoteruka le saisit par le bras et d'une passe de jiu-jitsu, le fit tomber sans force sur les nattes tapissant le plancher. S'étant ainsi débarrassé du nouveau venu, le détective bondit vers un des sabords. Il comptait se jeter à la mer et, à la faveur de la nuit, gagner la terre à la nage et disparaître. Malheureusement, comme il engageait ses épaules dans l'ouverture du sabord, il se sentit saisir par le pied et tiré à l'intérieur de la cabine. De son pied libre, il lança une furieuse ruade dans la figure de son nouvel ennemi. L'homme lâcha prise, mais il n'était pas seul. À la seconde suivante, Ikoteruka fut empoigné par les deux pieds et tiré avec une violence à laquelle il ne put pas résister. Ce fut en vain qu'il se cramponna au rebord du sabord. Il fut obligé de lâcher prise et fut traîné au milieu de la cabine où les quatre Chinois qu'il tenait le ligotèrent brutalement. Celui qui paraissait le chef des Célestes, un petit homme vêtu d'un large pantalon de cotonnade noir élimé, se pencha sur le corps de son congénère assommé par Ikoteruka en entrant dans la cabine et s'étant agenouillé à ses côtés, le massa vigoureusement en entremêlant ses soins de cris aigus. « Seigneur Heng, Seigneur, ô noble Heng, valeureux Heng, ne m'entends-tu pas ?» Et tout en appelant ainsi, le Chinois frottait, massait, pinçait, secouait le corps inerte du gros individu. Ikoteruka ne perdait rien de tout cela. Ainsi l'homme qu'il avait assommé à coups de maillet, c'était Heng, le patron de la jonque où avaient été chargés les lingots d'argent au Cap Saint-Jacques, et qui avait si mystérieusement disparu. Ikoteruka pensa amèrement qu'il aurait dû, une fois Heng assommé, le ligoter, le jeter à la mer et le traîner jusqu'à terre. Mais à quoi bon regretter? Ikoteruka se jura que s'il réussissait à s'évader, il se chargerait du seigneur Heng. Le seigneur Heng, cependant, revenait peu à peu à lui grâce aux soins de son compatriote. Il tressaillit, ouvrit les yeux, se redressa et poussa un meuglement semblable à celui d'un bœuf. « Longue vie au seigneur Heng !» clamèrent ensemble tous les Chinois réunis dans la cabine. Heng les regarda d'un air ahuri et féroce à la fois. Puis il vit soudain le prisonnier et ses petits yeux bridés luisirent comme des charbons ardents. Il poussa un nouveau mugissement et, écartant l'homme qu'il avait soigné, se mit debout, aspira une longue gorgée d'air et s'approcha d'Ikoteruka. « Lui ? » gronda-t-il. « L'homme de chez Lampun ? Ah !» Heng fit entendre un ricanement sauvage et marcha vers l'armoire de bois de fer dont il tira une bouteille remplie d'eau-de-vie de riz. Il en but plusieurs gorgées, souffla, soupira et se penchant sur Ikoteruka, siffla. « Porc, ver de terre, c'est toi qui as cru t'opposer au dessein de la sublime congrégation ? Tu nous as échappé chez Lampun, tu as failli me tuer tout à l'heure, mais tu n'éviteras pas ton destin. Apprends que les barres d'argent sont ici à bord et que dans 2 heures elles seront en sûreté, dans le même endroit que toi. Ne crains rien, je ne te tuerai pas. Tu auras à t'expliquer avec d'autres que moi, avant de subir la torture des 36 morceaux. Malheur à ceux qui touchent à la sublime congrégation. » Heng but une autre lampée d'eau de vie, puis grogna un ordre à ses hommes. Ikoteruka fut immédiatement saisi et monté sur le pont du petit vapeur.